commencer, inshallah. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man walahu amma ba'd. On commence aujourd'hui le cours numéro 124 dans l'explication du livre Iqtida Sirat al-Mustaqim, Mukhalafatu Ashab al-Jahim, du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, avec les commentaires de Cheikh Saleh al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. Et on est aujourd'hui, donc, comme je disais, au cours numéro 124. Et on approche de la fin du volume 2. La page du volume 2 dans lequel on est, où on est arrivé, c'est la page 861. Donc, on lit maintenant, toujours à la suite de ce qu'on lisait dans les cours précédents à propos du mérite de Bani Hashim et le fait que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur des prophètes et donc il est tiré de la meilleure des familles de Quraysh, hein, qui est la famille de Bani Hashim, et la famille de Quraysh elle-même qui est la meilleure tribu parmi les Arabes qui elle-même est descendant de Bani Ismaïl, les fils du prophète d'Allah, Ibrahim alayhi salam. Donc on expliquait tout ça et on a mentionné le fait que le simple fait d'être arabe, ça ne garantit pas nécessairement un mérite ou une excellence ou une supériorité si quelqu'un n'a pas la foi, hein, si quelqu'un n'est pas croyant. Donc, il n'y a pas un mérite particulier d'être arabe si quelqu'un n'est pas croyant. Tout ça est dans la limite de la foi. Et selon les règles de la foi, dans le sens que si, par exemple, on regarde Abu Lahab, qui est l'oncle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui fait partie lui aussi de la tribu de Quraysh, hein, et de Ahlul Bayt, mais pourtant, il n'a aucun respect, aucun honneur. Pourquoi? Parce que il est pas mu'min. D'accord? Donc on a clarifié tous ces détails-là. On en a parlé en détail. Maintenant, le cheikh, il continue, il dit وَأَيْضًا فِي مَسْأَلَةِ مَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَدْرٍ شُجَعِ ابْنُ الْوَلِيدِ عَنْ قَابُوسِ ابْنُ أَبِي ضبيان عن أبيه عن سلمان رضي الله عنه يعني سلمان الفارسي. Donc le hadith, ce hadith là par contre c'est un hadith daif. Le cheikh il l'a mentionné juste comme exemple. D'accord. Il dit قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سلمان لا تبغضني فتفارق دينك قلت يا رسول الله كيف أبغضك كيف أبغضك وبك هدان الله قال لا تبغض العرب فتبغضني قال الترمذي هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي بدر شجاع بن الوليد فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم بغض العرب سببا لفراق الدين وجعل بغضهم مقتضيا لبغضه ويشبه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم خاطب بهذا سلمان وهو سابق الفرس ذو الفضائل المأثورة تنبيها لغيره من سائر الفرس لما أعلمه الله أن الشيطان قد يدعو النفوس إلى شيء من هذا كما أنه صلى الله عليه وسلم لما قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا يا عباس عم رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله La ughni anki min Allahi shay'a. Saluni min mali ma shi'tum. كان هذا تنبيه لمن انتسب لهؤلاء الثلاثة أن لا يغتروا بالنسب ويتركوا الكلمة الطيب والعمل الصالح. Donc le cheikh il a mentionné dans ce passage là des points très intéressants, très importants. Premièrement, la question yani du mérite et de l'excellence des Arabes et le fait que yani il faut ne pas détester les Arabes par rapport à leur particularité, du fait que c'est eux qui ont transmis l'islam au reste du monde, c'est eux qui ont en premier reçu le message de l'islam de la part du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui faisait partie d'eux, c'était un des leurs, un des Arabes. Donc le cheikh il explique, il dit donc que l'imam al-Tirmidhi il rapporte dans son sunan et d'autres également l'ont rapporté ce hadith là. Malgré que c'est un hadith da'if, comme Cheikh Al-Albani l'a mentionné dans ses Silat al-Hadith al-Da'ifa, le hadith numéro 2029, et dans Da'if al-Jami', le hadith 6394. Donc, malgré tout, il y a dans ce hadith-là un point ou des points importants. Donc, des fois, on l'a déjà expliqué, que Ibn Taymiyyah, il mentionne des preuves des hadiths authentiques. Puis parfois, il va rajouter des hadiths qui sont faibles, non pas comme preuve, mais comme support, ou pour ajouter encore plus de clarté ou d'explication. D'accord ? Donc, il le rapporte comme étant un support, puisque la signification du hadith en question, elle est vraie, ou elle est bonne. Donc, il le ramène pour supporter qu'est-ce qu'il a déjà rapporté comme hadith authentique, ou comme verset dans le Coran. Et c'est juste pour donner des exemples où, comme on dit en arabe, l'istishhad, ou alaysa l'istidlal, une différence entre l'istidlal ou l'istishhad. Et l'istidlal, c'est lorsqu'on utilise quelque chose comme étant une preuve, un dalil. Tandis que l'istishhad, c'est quelque chose que tu utilises comme un témoin, hein, comme quelque chose qui vient juste pour témoigner de quelque chose, comme supporter quelque chose. Mais non pas comme la base de l'argument elle-même, ou de l'argument lui-même. Et donc ici le cheikh il rapporte ce hadith qui est rapporté par Tirmidhi et d'autres selon le hadith de Abi Badrin Shuja' ibn al-Walid, selon Qabus ibn Abi Dhubyan, selon son père, selon Salman radiyallahu anhu, il dit que le messager, donc Salman, il dit, Salman al-Farisi, radiyallahu anhu, il dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, « Ô Salman, ne me déteste pas, hein, sinon tu te sépareras de ta religion. Hein, tu seras séparé de ta religion. » Alors, il dit Salman, « Ô messager d'Allah, comment pourrais-je te détester ?» Mais en fait, c'est pas Ibn Taymiyyah seulement qui fait ça. Pour plusieurs, donc, la plupart des ulama, ils font ça. Hein. Même Cheikh Ibn Muhammad Ibn Abdul Wahhab, il l'a fait, et beaucoup d'autres ulama. Ils mentionnent des hadiths parfois, juste pour rajouter plus d'arguments, ils vont citer des hadiths, même s'ils sont faibles. Hein, pas comme étant une preuve en soi, mais juste pour rajouter de un argument supplémentaire. Et parfois, vous savez que certains hadiths qui sont faibles, lorsqu'on les mentionne, lorsqu'ils sont plusieurs, et lorsque par exemple, il y a des hadiths qui sont par exemple faibles, mais leur faiblesse, elle n'est pas trop grande, ils peuvent parfois, en se rajoutant l'un avec l'autre, se renforcer et devenir par exemple Hassan. Hassan l'Ireiri. Hein? Dans des cas comme ça, le hadith va être valable comme preuve. Donc ça, c'est dans les cas yani, que les ulama de hadith ont mentionné. Donc ici, pour terminer la traduction du hadith, parce que le frère il était parti ouvrir la porte, il dit Donc, le prophète sallam a dit à Salman, ô Salman, ne me déteste pas, hein, sinon tu te sépareras de ta religion. Alors, Salman a dit, ô messager d'Allah, comment pourrais-je te détester alors que c'est par toi que Allah nous a guidés? Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne déteste pas les Arabes parce que cela t'amènera à me détester. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie des Arabes. D'accord? Et ça, c'est rapporté par Al-Tirmidhi. Et c'est un hadith Hassan Gharib. Et il dit, on ne le connaît que dans cette narration-là, de cette version, selon Abi Badr, Shuja' ibn al-Walid. Et Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc fait dans ce hadith-là, du fait de détester les Arabes, une cause de se séparer ou de s'éloigner de la religion. Hein? Et il a fait que, c'est ça, il a fait que le fait de détester les Arabes, c'est quelque chose qui implique qu'on le déteste lui, personnellement. D'accord? Et ça, c'est important. Le cheikh, il dit, et ça ressemble, ou bien c'est comme si le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ici, en s'adressant à Salman, alors que c'est le premier parmi les Perses qui a accepté l'islam, vous connaissez les Perses, hein, c'est les habitants de l'Empire Perse à l'époque, hein, avant l'islam, on disait l'Empire Perse, aujourd'hui on dit l'Iran, à la base c'était l'Empire Perse. Hein? Et leur langage, c'est le persan. Donc, on dit en arabe faire ici. Hein? Donc, le F est remplacé en français par le P. Parce que dans leur langue, ils ont le P, les persans, je crois. Tandis qu'en arabe, il n'y a pas de P. Donc, ils prononcent farsi au lieu de parsi, hein? Ou de persan. Comprenez? Non. Donc, étant donné que Salman est le premier d'entre les Perses, et ses mérites, et son excellence, et ses, hein, les mérites de Salman sont connus dans le Coran et dans la Sunna. Donc, ce n'était pas un doute, hein, ou une parole qui s'adressait directement à Salman lui-même. Quand il disait ça à Salman, c'est comme pour que les gens, parmi les autres Perses, le peuple des Perses en général, qu'ils prennent garde à ne pas détester les Arabes. Parce qu'il sait, hein, Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait savoir que le shaytan appelle les âmes à ce genre de choses. Donc, on voit par exemple chez les différents peuples non arabes, parfois, le shaitan vient mettre dans leur cœur ce genre de haine envers les Arabes pour différentes raisons. Et peut-être qu'à la base, les gens qui amènent ou qui parlent, qui disent qu'ils, par exemple, qu'ils n'aiment pas les Arabes, peut-être qu'à l'origine ou à la base, c'était pas nécessairement par rapport au fait qu'ils avaient quelque chose contre l'islam. Sauf que le shaytan, il utilise ça pour alimenter la haine entre les musulmans, puis petit à petit faire en sorte que ces gens-là s'éloignent de plus en plus de l'islam. Et on l'a vu dans différents peuples et différents pays où les gens qui sont non-arabes commencent à parler contre les Arabes ou dénigrer les Arabes ou insulter les Arabes. Et à long terme, ça fait des effets vraiment néfastes par rapport même à la religion. Tu vois que certains d'entre eux même utilisent la haine des Arabes pour contrer l'islam ou bien pour opposer l'islam. Et je l'ai vu par exemple dans certains peuples, comme certains par exemple en Afrique du Nord ou dans d'autres régions dans le monde, en Afrique de l'Ouest, qui critiquent les Arabes, disent, ah, les Arabes, ils sont comme ci, les Arabes, ils sont comme ça, puis les Arabes, ils ont fait ci, les Arabes, ils ont fait ça. Et la raison pour qui est derrière ça, en fait, c'est de critiquer l'islam. Hein? Ils ne le disent pas directement. C'est comme quand tu entends, par exemple, dans certains pays musulmans, quand tu appelles les femmes à porter le hijab shar'i, elles disent, ah, mais non, ça c'est la religion des Arabes. Alors qu'ils sont musulmans. Hein? Donc, comment vous dites c'est la religion des Arabes, alors que ça fait partie du Coran et de la Sunna, ça fait partie de l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné ça, et vous, vous le critiquez. Et parmi les premiers qui ont opposé l'islam dans le monde, c'est les Arabes eux-mêmes. Les premiers ennemis du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ça n'a pas été hein, les Juifs ou yani les Perses ou les autres peuples. Non, ça a été les Arabes eux-mêmes. Et pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé à ce qui était en contradiction et en opposition avec leurs croyances religieuses, parce que c'était des mouchriquins. Et en même temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a opposé beaucoup de leurs coutumes et de leurs pratiques culturelles et de leur tradition, hein, de la jahiliya. Alors, eux, ils n'étaient pas d'accord avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour ça. Hein. Et ils ont dit, hein, cet homme-là, il vient pour déranger notre façon de vivre. Il veut changer notre religion. Il veut changer la religion de nos ancêtres. Il veut changer hein, nos coutumes, nos traditions. Donc, de dire que quand tu vas dans des pays non arabes, parmi les pays musulmans, et que des gens viennent te dire ça c'est la religion des Arabes, c'est parce que en réalité c'est un prétexte pour contredire l'islam et critiquer l'islam, et non pas parce qu'ils ont quelque chose à justifier par rapport à ça. Hein? Les Arabes avant l'islam, par exemple, certains ils enterraient leurs filles vivantes. Hein? Ils enterraient leurs filles vivantes. Ils faisaient le tawaf autour de la Kaaba sans vêtements. Ils enlevaient leurs vêtements complètement et ils faisaient le tawaf complètement nu. Donc, est-ce qu'on va dire, bon, ça c'est, tu vas dire, bon, les Arabes ils faisaient ça dans la jahiliya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a interdit de faire ça. Hein? Donc c'était ça la religion des Arabes avant. Tu vas dire, ah, oh, mais ça c'est la religion des Arabes. Dans ce cas-là, on comprend qu'est-ce que tu veux dire que tu critiques la religion des gens de la jahiliya parmi les Arabes. Mais si tu critiques quelque chose qui fait partie de la religion de l'islam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a amené et qui fait partie de la révélation d'Allah, et tu dis c'est la religion des Arabes, là il y a un problème. Hein? Ça dit que, en fait, tu critiques l'islam lui-même. Oh, et tu prétends que c'est parce que tu es contre quelque chose que les Arabes ont fait. Donc là, c'est ça qui est dangereux. Hein? Et on le voit, ça. Je l'ai vu, par exemple, il y a certains gens que je connais, par exemple, qui viennent de l'Algérie, qui sont, par exemple, d'origine kabyle. Hein? Et on sait que parmi eux, il y a des gens qui sont des musulmans convaincus, avec une foi, une connaissance et une compréhension de l'islam qui est très forte. Mais parmi ces gens-là aussi, il y en a qui détestent l'islam et qui utilisent l'excuse nationaliste ou ethnique ou des prétextes historiques pour essayer de critiquer l'islam et la religion d'Allah. Donc ça, c'est des exemples de gens qui disent, bon, oh, les Arabes, ils sont comme ci, les Arabes, ils sont comme ça. Hein? Et pourtant, quand tu regardes leur tradition à eux, et leur façon de faire et de vivre, il n'y a pas grande différence avec qu'est-ce que les Arabes font, en réalité. Même que parfois, ils sont même, dans certaines traditions, beaucoup plus durs que les Arabes, qu'ils critiquent. Donc, c'est pour cette raison que, des fois, tu vois que c'est le shaitan seulement qui amène ces choses-là hein, dans le cœur des hommes pour diviser les musulmans. Et les chrétiens, ils ont fait un grand travail pour ça, pour encourager ça. C'est-à-dire que quand les koufars colonisateurs de l'Europe, chrétiens ou autres sont venus en Afrique, sont venus en Asie, sont venus dans les pays musulmans, eh bien, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont cherché à comprendre, à étudier la situation, les différents groupes ethniques, les différentes fractions, les différentes sectes, les différentes cultures. Ils ont étudié tout, les pratiques religieuses, tout. Puis ils ont fait des études, des analyses, des rapports. Surtout, c'était des fois, c'est des missionnaires, des fois, c'est des militaires, des fois, c'est d'autres. Ils écrivent des rapports, ils envoient ça. Puis là, ou bien des fois, c'est des gens qui viennent pour faire des études seulement, des ethnologues, ou bien des anthropologues, ou bien d'autres trucs, sociologues. Et là, ils écrivent tout ça, ils décrivent tout ce qu'ils ont vu. Et là, après, ils font un plan pour comment on va utiliser ça pour diviser ces gens-là. Ah, cette ethnie, ils sont minoritaires, et eux, ils sont de telle tendance, et ils n'aiment pas telle chose, donc on va alimenter l'animosité et la haine entre ces gens-là, pour justement les utiliser, eux, contre ceux-là, et pour les diviser. Comme ça, ça va être plus facile de les contrôler, ça va être plus facile de prendre le pouvoir sur eux, ça va être plus facile de les écraser militairement, et ainsi de suite. Donc ils font ça, ils calculent comme ça. Et il y a plein d'exemples comme ça, Yann, subhanallah. Ceux qui sont au pouvoir, par exemple, en Syrie actuellement, c'est la famille d'une secte d'hérétiques qu'on appelle les Nusayriyah, la secte des Nusayriyah, qui font partie des sectes qu'on dit en arabe Batiniyah, c'est-à-dire c'est des sectes ésotériques. Les savants de l'islam les ont déclarés tous kuffar. Ils ont même dit d'eux que ce sont des gens, leur kuf est plus grave que le kuf des juifs et des chrétiens. Naam. Ils disent que Ali radiallahu anhu, c'est Allah lui-même. Et ils ont d'autres croyances, yani. Allah musta'an. Mais ces gens-là, les musulmans les avaient complètement exclus de la société. Ils vivaient dans les montagnes. Personne ne se mélangeait à eux. Ils n'avaient pas le droit de porter d'armes. Ou ils n'avaient pas le droit d'occuper des postes d'importance dans la société pour justement à cause de leur déviation. Et eux, ils étaient satisfaits de ça parce qu'ils ne voulaient pas justement se mélanger avec les musulmans. Mais quand les Français sont rentrés, ils les ont cherchés. Ils les ont pris, ils leur ont donné les meilleures places dans l'éducation, dans l'armée, dans tous les plans, sur tous les plans de la société. Puis ils les ont mis au pouvoir. Quand ils sont partis, ils ont dit, bon, c'est vous les chefs maintenant. Maintenant, gérez les choses. Et bien entendu, ils vont faire les choses selon l'intérêt de ceux qui les ont placés. Et ils ont changé leur nom. Au lieu de les appeler des Nusayriyah, ils ont appelé des Alawiyah. Comme s'ils avaient un lien avec Ali ibn Abi Talib. Radiallahu anhu. Donc ça fait partie des exemples. Donc le cheikh il dit ensuite qu'il y a dans ça donc comme je disais un avertissement pour les autres Perses pour pas qu'ils prennent cette animosité là et justement on a vu ça chez les Perses. C'est pour ça que la secte des Rafida elle s'est beaucoup propagée parmi les Perses justement à cause de ces problèmes de fierté, de nationalisme et de asabiyya, des choses comme ça. Ensuite, le cheikh il explique un autre hadith. Il dit c'est comme lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il s'est adressé à sa famille. Il leur a fait la da'wa, il leur a dit ô Fatima, fille de Muhammad, je ne peux rien faire pour toi hein, je ne peux rien faire pour toi vis-à-vis d'Allah. Ô Abbas, oncle du messager d'Allah, je ne peux rien faire pour toi vis-à-vis d'Allah. Ô Safiya, tante paternelle du messager d'Allah, je ne peux rien faire pour toi vis-à-vis d'Allah. Demandez-moi de mes biens ce que vous voulez. Hein? Par contre, qu'est-ce qu'on peut dire dans la question par rapport à la religion ou par rapport au jugement d'Allah, au jour de la résurrection, je ne pourrai pas vous sauver. Sauf que dans la dunya, dans ces affaires de la vie, on est des proches, j'ai des liens de parenté avec vous. Si vous avez des problèmes, si vous avez besoin de quelque chose, de l'argent ou autre, je vais vous aider. Mais quand ça arrive à la question de la religion et du jugement d'Allah, alors là, je ne pourrai rien faire pour vous. Vous devez vous sauver vous-même. Et le cheikh, il dit que ça, c'était un avertissement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné pour ces trois personnes, pour que ces gens-là ne soient pas trompés par leur lien de parenté avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et que ça ne les amène pas à abandonner ou à délaisser les bonnes paroles et les bonnes œuvres, hein, en disant, nous sommes les descendants du messager d'Allah, donc par conséquent, Allah, il va nous faire rentrer au paradis. Hein, et on va être, hein, au paradis, peu importe qu'est-ce qu'on fait, peu importe qu'est-ce qu'on dit. Et le cheikh, il explique ensuite, il dit, قَوْلُهُ, donc cheikh Al-Fawzan, il explique, il dit, قَوْلُهُ يَا سَلْمَانْ لَا تُبْغِدْنِي فَتُفَارِقْ دِينَكْ هذا الحديث غريب والغريب هو ما تفرد به راو واحد ومفاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسلمان الفارسي وهو من أوائل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لا تبغضني فتفارق دينك فهل يتصور أن سلمان رضي الله عنه يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي تحمل المشاق حتى من الله عليه بما أراد ولقي الرسول صلى الله عليه ولقي الرسول صلى الله عليه وسلم وآمن به في قصة معروفة في إسلام سلمان ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بين له أن بغضه إنما يكون ببغض العرب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم من العرب وسلمان من الفرس فلا يحمله كونه من الفرس أن يبغض العرب كعادة الشعوبيين الذين يبغضون العرب فمن أبغض العرب أبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريقة غير مباشرة والشرع جاء بسد الوسائل التي تفضي إلى المحذور فلو أنه أبغض العرب لأدى هذا إلى بغض الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه عربي فيكون هالكا لأن من فعل ذلك ارتد عن دين الإسلام والعياذ بالله فينبغي الحذر من ذلك. Donc le cheikh il explique. Il dit, le hadith en question dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ou bien le hadith dans lequel on a attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam cette parole, ô Salman, ne me déteste pas car sinon tu ne te sépares pas de ta religion. C'est un hadith que l'imam At-Tirmidhi a déclaré comme étant gharib. Et le hadith gharib, c'est une des catégories du hadith qui signifie que le hadith a été rapporté par un seul narrateur. Et il dit que cela, ça dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Salman al-Farisi, radiyallahu anhu, et on sait que Salman al-Farisi, c'est un parmi les premiers, parmi les muhajirin et les ansar, qui ont cru en l'islam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ne me déteste pas, sinon tu te sépareras de ta religion. Et le cheikh, il dit, et est-ce qu'on peut concevoir que Salman, radiyallahu anhu, il peut détester le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam? Non, c'est pas possible. Il dit, surtout lorsqu'on sait toutes les difficultés qu'il a subies et qu'il a supportées, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la faveur de la guidance et de l'islam, jusqu'à ce qu'il rencontre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et qu'il croit en lui. Et l'histoire de la conversion à l'islam de Salman, elle est très connue, elle est célèbre, son histoire, et c'est une histoire vraiment touchante en même temps. Comment il est allé voir les chrétiens, les juifs, et après il est allé voir chez les chrétiens, et après il a entendu parler du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors il est parti pour aller entendre parler de l'islam de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam directement. En chemin, je pense qu'il a été pris prisonnier, il a été vendu comme un esclave, et c'est toute une histoire, toute une aventure qu'il a fait pour essayer de trouver la vérité. Puis à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala l'a guidé à l'islam. Donc le cheikh, il explique ensuite, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a clarifié dans ce hadith là que de détester le fait de le détester, c'est dans le cas indirect que la personne, par exemple, qui dit qu'il déteste les Arabes, eh bien ça, là, par conséquent, ça implique qu'il va détester le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que il dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fait partie des Arabes, tandis que Salman fait partie des Perses. Donc c'est comme s'il lui disait qu'il ne faut pas que le fait que par exemple tu sois parmi le nombre ou du nombre des Perses, que ça doit t'amener à détester les Arabes. Il dit, comme c'est l'habitude des nationalistes, des populistes, des nationalistes qui détestent les peuples étrangers. Et donc ici, par rapport à l'exemple ici, ceux qui détestent les Arabes. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas Arabes. Donc il dit, celui qui déteste les Arabes, bien indirectement, il déteste le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, d'une façon indirecte. Et le cheikh, il dit que la sharia, la révélation, la religion est venue pour fermer la porte à toutes les choses qui peuvent t'amener à ce qui est haram, ce qui est mauvaise, ce qui est interdit. Et donc, si par exemple, le fait de détester les Arabes nous amène à détester le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, parce que lui-même est un Arabe, alors dans ce cas-là, ça veut dire que ça t'amène à ta perte. Ça veut dire que si tu détestes les Arabes, ça t'amène à détester le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, donc ça t'amène à périr et à être parmi les gens qui apostasient de la religion de l'islam, wa l'ayyadu billah. Et donc, il faut faire attention à ce genre de choses-là. Et le cheikh dit ensuite, parce que je ne sais pas, mais par exemple, comme j'ai donné les exemples de certains peuples comme ça qui critiquent les Arabes, peut-être, comme je disais, ce n'est pas directement dirigé vers le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, mais ça peut amener à ça. Et quand tu vois, par exemple, certains, par exemple, en Afrique de l'Ouest, quand ils parlent des Arabes, ils vont dire, ah, ça c'est... Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'ils appellent je pense que c'est au Sénégal, ils appellent les Arabes les Nars. Ils appellent les Arabes les Nars. Oui, ils disent les Nars. Et d'après ce que j'avais entendu, un frère m'avait dit que Nars, ça vient de Nord-Africain rejeté par l'Europe. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, parce que certains Nord-Africains, si tu leur demandes qu'ils soient africains, ils disent non. Tu comprends? En voulant dire, non, on n'est pas africain, parce que pour eux, c'est comme, étant donné que les Européens dénigrent l'Europe, donc eux, ils se sentent, non, ils ne se sentent pas africains. Donc ils disent, on n'est pas africains, nous. Alors qu'ils sont africains, comme les autres. Mais ça, tout ça, c'est à cause de la. Ça vient de. Tout ça, ça vient du shaitan. Tout ça, le but de ça, c'est de mettre l'animosité, la haine entre les frères, entre les musulmans qui sont des frères. Et ça, c'est bien entendu interdit de faire ça. Donc les Arabes, hein, on n'a pas le droit de les détester juste parce qu'ils sont des Arabes. Et donc c'est pas correct pour des frères musulmans, des musulmans africains, de dire des choses comme ça à propos des Arabes. Hein. Et ça peut amener à la longue à même rejeter l'islam. D'accord? Donc ça c'est dangereux. Hein. Et même s'il y a peut-être parfois de la discrimination ou du racisme chez certains ignorants parmi les musulmans, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y allait toujours avoir des caractéristiques de la jahiliya dans sa umma. Hein? Il a dit, il y a quatre choses de la jahiliya que mon peuple ne va pas abandonner. Hein? Il a dit, الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب والطعن في الأنساب ودعوى الجاهلية والنياحة على الميت si je me trompe pas, yani c'est quatre choses. Le fait de se sentir fier de ses origines, le fait de dénigrer l'origine des autres, le fait d'appeler à la jahiliya, le nationalisme ou le tribalisme, et aussi le niyahatu ala al-mayyit, c'est-à-dire pleurer, de se lamenter à la mort de quelqu'un. Hein. Des exemples comme ça, on en a parlé au début du livre. Donc malheureusement, certaines de ces caractéristiques vont demeurer parmi les musulmans, parmi certains musulmans. Toutefois, bien entendu, c'est des choses qui sont blâmables et condamnables. Et c'est clair que Allah subhanahu wa ta'ala déteste hein, ces caractéristiques-là. Le cheikh il dit ensuite wa qawluhu faqad ja'ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bughd al-arab sababan li firaq ad-din sababan ghayra mubashir li'annahu idha abghad al-arab lazima min dhalika bughd ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam wa bughd ar-rasul wa bughd ma ja'a bihi wa hadhihi riddatun sarihatun 'an al-islam wa qawluhu wa yushbihu an yakuna khataba bihadha Salman وهو سابق الفرس يعني خاطب سلمان مع أنه سابق الفرس إلى الإسلام وله مقامات وله المقامات المعروفة في الفضل لينبه غيره حيث إنه لو بذر هذا من سلمان لهلك فكيف بغيره وهذا كقوله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين فهذا من باب التنبيه بالأعلى على الأدنى. Donc le cheikh il explique que le prophète en fait le cheikh ibn cheikh al-Fawzan il dit et la parole de Ibn Taymiyyah ensuite quand il dit le prophète صلى الله عليه وسلم a fait donc du fait de détester les arabes une cause du rejet de la religion ou bien de la séparation de la religion, c'est-à-dire une cause indirecte pour quitter l'islam. Parce que lorsque quelqu'un déteste les Arabes, ça implique qu'il va détester également indirectement le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, hein, et de détester ce qu'il a amené de la religion. Et ça, c'est une apostasie claire de l'islam. C'est-à-dire, c'est un rejet clair de l'islam. Ensuite, il dit, et ça ressemble, donc, Ibn Taymiyyah a dit, c'est comme si, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il s'adresse à Salman, parce que c'est lui le premier parmi les Perses qui a accepté l'islam. Et donc, Cheikh Al-Fawzan, il dit, c'est-à-dire que Salman, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui parle de cette manière, parce que c'est lui le premier parmi les Perses à avoir accepté l'islam. Et ses positions, les choses qu'il a faites dans l'islam sont connues. Hein? Il a un grand mérite. Donc, le cheikh, il dit, si il donne ce genre de message ou d'avertissement à Salman, alors que c'est lui le premier, et c'est un parmi les grands, parmi les sahaba, et c'est un des premiers parmi les perses. Donc c'est-à-dire que si lui, Salman, radiyallahu anhu, il périrait si il tombait dans ce genre de choses, alors que dire de quelqu'un d'autre, hein? Que dire du reste, hein, des perses? Donc le cheikh, il fait une analogie entre ça et l'exemple de ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit aux messagers et aux prophètes dans le Coran, dans le verset 65, dans Surat Az-Zumar, lorsqu'il avertit les messagers que s'ils commettent le shirk, Allah subhanahu wa ta'ala va rendre leurs œuvres vaines et qu'ils seraient du nombre des perdants. Hein, dans le verset, et nous t'avons révélé à toi, c'est-à-dire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et à ceux qui étaient avant toi, c'est-à-dire les autres prophètes et les autres messagers, avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que si tu commets le shirk, hein, la in ashrakta, si tu fais du shirk, la yahbatanna amaluk, tes œuvres seront vaines, wa la takunanna min al khasirin, et tu serais certes du nombre des perdants dans ce cas-là. Donc, on sait très bien que les messagers d'Allah ne commettent pas de shirk, et qu'ils ne vont pas commettre du shirk. Mais ça, c'est un exemple. Allah subhanahu wa ta'ala, il avertit les messagers pour que ce soit un avertissement pour nous. Et si les plus hauts, hein, parmi les hommes, les plus grands parmi les hommes sont avertis de cette manière, ça veut dire que ceux qui sont en dessous d'eux sont encore plus avertis, hein, que les messagers. Et donc, c'est l'exemple par rapport à Salman. Que si Salman est averti de ne pas détester les Arabes, hein, à cause du danger qu'il y a dans ça d'abandonner ou de rejeter l'islam, donc les autres, hein, perses, sont encore plus avertis aussi de ce genre de problème, hein, de ce genre de conséquences. Donc c'est comme un exemple qu'il donne pour donner un avertissement. Ensuite il dit « Wa qawluhu ya Fatima bint Muhammad » لا أغني عنك من الله شيئا هذا فيه التفات إلى ناحية أخرى وهي أن من كان من بني هاشم ومن قرابة النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن لا يغتر بذلك ويترك العمل ويظن أن قربه من النبي صلى الله عليه وسلم سينجيه من عذاب الله عز وجل فإنه لا ينجي من عذاب الله إلا الإيمان والعمل الصالح وليس النسب كما قال صلى الله عليه وسلم ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه فهو نبههم أن لا يتكلوا على نسبهم وقربهم من الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يتركوا العمل أو يقلوا منه اتكالا على نسبهم ولهذا قال جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم فلا تكونوا نجاة المرء بقرابته من الرسول صلى الله عليه وسلم دون العمل ولهذا قال يا فاطمة يعني خصها أولا وقال يا عباس عم رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا يعني خص أقاربه فإذا كان هذا الخطاب لأقرب الناس إليه فمن باب أولى لمن لا قرابة بينه وبينهم. Donc le cheikh il explique ensuite le hadith qu'on a lu, hein, à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il s'adresse aux membres de sa famille et aux plus proches de ses parents. Il dit à sa propre fille Fatima radiyallahu anha, ô Fatima, fille de Muhammad, je ne peux rien faire pour toi vis-à-vis d'Allah. Et ça, c'est, hein, un autre aspect que le cheikh il veut éclairer, c'est yani par rapport à ceux qui font partie de Bani Hashim, hein, la famille de Bani Hashim. Et ce sont les proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Et donc, il ne faut pas qu'ils soient trompés par leur proximité, hein, du messager sallallahu alayhi wa sallam, et des liens de parenté qu'ils ont avec lui, pour délaisser les bonnes œuvres. Et de penser que le simple fait qu'on a un lien de parenté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça va nous sauver du châtiment d'Allah. Alors, le cheikh, il dit, il n'y a rien qui peut te sauver du châtiment d'Allah, excepté la foi et les bonnes œuvres, et non pas le lien de parenté. Hein? Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné dans un autre hadith, celui qui a été lent dans les bonnes œuvres, eh bien, son lien de parenté ne pourra pas accélérer ou ajouter quoi que ce soit. Donc, c'est pour leur faire savoir qu'ils ne doivent pas se reposer uniquement sur le lien de parenté qu'ils ont et la proximité qu'ils ont avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, puis de délaisser les bonnes œuvres ou de diminuer, hein, les bonnes œuvres en se basant uniquement sur la famille, le fait qu'ils sont des proches du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et il cite le verset dans surat al-Hujurat, « Inna akramakum inda Allahi atqakum » C'est-à-dire le plus noble d'entre vous, hein, auprès d'Allah, c'est le plus pieux, celui qui a le plus de taqwa. C'est-à-dire qui fait le plus des bonnes œuvres et qui s'écarte le plus des interdictions. Hein. Donc, il n'y a pas de salut, hein, d'une personne pour par rapport à son lien ou à sa proximité avec le messager, sallallahu alayhi wa sallam, sauf s'il a fait des bonnes œuvres. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit ça à sa propre fille en partant, puis ensuite à son oncle, Al-Abbas, et à sa tante, et ainsi de suite. Donc, il a parlé en particulier à ses proches. Et le cheikh, il dit que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait ça aux gens qui étaient les plus proches de lui, hein, dans sa famille, alors, que dire de ceux qui n'ont aucun lien de parenté avec lui du tout, hein, et qui n'ont pas de relation familiale avec lui du tout. Donc, eux, ils sont encore plus, hein, invités à ne pas se reposer sur autre chose que sur leurs bonnes œuvres et sur leur foi. Et par rapport à ça, justement, tu retrouves parfois, même aujourd'hui, des individus ou des gens parmi les musulmans, et quand tu vois qu'ils négligent leurs obligations religieuses par rapport à l'islam, et que tu leur fais le rappel et que tu les amènes, ou que tu les invites à appliquer la religion ou à pratiquer la religion, ils vont parfois dire, tu sais, moi je suis descendant de telle ou de telle famille, tu sais que moi, mon grand-père était tel ou tel imam, tu sais que moi, je fais partie des Ashraf, je fais partie de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou des choses comme ça. Et donc, la réponse que tu peux donner à ces gens-là, c'est exactement justement le fait que par exemple, Abu Lahab fait partie, hein, de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il sera dans l'enfer. Et il y a même une sourate qui a été révélée à son sujet, en parlant de lui et de sa femme, et qui dit qu'il va être dans l'enfer. Hein. Donc, le fait d'avoir un lien de parenté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou avec une personne pieuse, de façon générale, ça, c'est pas une garantie que nous-mêmes, on est sauvés. Hein? Et le cheikh, il explique ensuite, il dit, وَالْحَصِلُ أَنَّ هَذَا وَالْحَصِلُ أَنَّ فِي هَذَا تَنْبِيهًا لِقَرَبَةِ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهِ وَسَلَّمُ وَالْمُنْتَسِبِينَ إِلَيْهِ أَنْ لَا يَغْتَرُّ بِذَلِكَ كَمَا يَحْصُلُ مِنْ بَعْدِ الْجَهَلَةِ الَّذِينَ يَنْتَسِبُونَ إِلَى آلِ الْبَيْتِ ويزعمون أن هذا يكفيهم وأنهم سيدخلون الجنة بمجرد ذلك حتى قال بعضهم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا قل يا زلة القدم وناظم هذا الشعر ليس من قريش ولا قريبا منهم وإذا كان القريبين من الرسول صلى الله عليه وسلم كتبته يعني كبنته وعمه وعمته لا يغني عنهم من الله شيئا فكيف يغني عن هذا الشاعر حتى إنه قال أيضا فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم. وهذا من المبالغات والمغالطات التي لا ما أنزل الله بها من سلطان فلا ينفع الإنسان إلا عمله. Donc le cheikh il explique ici, il dit, donc pour résumer, il donne un exemple, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans ce hadith ses paroles à ses proches pour les avertir, et c'est un avertissement donc pour la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour tous ceux qui prétendent appartenir à sa famille de ne pas se laisser tromper par cela. Comme cela peut se produire de la part de certains ignorants, parmi ceux qui prétendent appartenir à la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui pensent que cela est suffisant pour eux et que ça va les faire rentrer au paradis parce qu'ils ont un lien de parenté avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, même que certains d'entre eux ont dit, et le cheikh il cite deux vers d'un poème qui est célèbre, hein, parce que les soufis ils le récitent à chaque année lorsqu'ils font le Mawlid al-Nabawi, qu'est-ce qu'ils appellent la bid'a du Mawlid, hein? Ils célèbrent la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam chaque année, ce qui est une bid'a, une innovation. Puis dans cette célébration ou pendant cette célébration, ils récitent ce poème qui s'appelle Al-Burda, hein? Et c'est écrit par un poète qui s'appelle Al-Busayri. Et dans ce poème, il y a des paroles de shirk et de kufr et d'exagération à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les exemples de ça, les deux vers que le cheikh a cités, dans lesquels il dit, en la signification en français, ô toi la plus noble des créatures, je n'ai personne, hein, autre que toi vers qui je peux me réfugier, hein, lors de l'avènement de la grande événement, hein, en parlant du jugement dernier, c'est-à-dire au jour du jugement dernier, je n'ai personne d'autre que toi vers qui je peux me réfugier, ô toi la plus noble des créatures. C'est-à-dire il a oublié Allah le créateur, hein. C'est Allah vers qui on doit se réfugier. C'est à Allah qu'on doit demander la protection au jour de la résurrection et non pas au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي مَعَادِي أَخِذًا بِيَدِي فَضْلًا وَإِلَّا قُلْ يَا زَلَّةَ الْقَدَمِ. Il dit, si tu n'es pas là ce jour-là, lorsque je vais être ressuscité, me prenant par la main, par ta grâce, hein, alors ça veut dire que dis tout de suite que je vais glisser du pied, c'est-à-dire que je vais être perdu, je vais périr. Donc ça veut dire qu'il pense que celui qui va le sauver au jour de la résurrection, c'est pas Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est, hein, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ça c'est shirk, hein, ça me fait penser beaucoup à qu'est-ce que les chrétiens disent à propos de Jésus, le fils de Marie. Donc il y a chez eux de l'exagération comme ça. Et il dit même que le poète qui a écrit ce poème-là, il ne fait même pas partie de Quraysh lui-même. Il n'a aucun lien de parenté avec eux. Hein? Et même si l'auteur de ce poème avait été la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou son oncle, ou sa tante paternelle, cela ne leur aurait rien profité, hein, vis-à-vis d'Allah, et ça n'aurait rien apporté de plus vis-à-vis d'Allah. Alors, que dire de la personne comme ce poète? Il dit, il est allé même jusqu'à dire que, il dit, فَإِنَّ لِي ذِمَّةً مِنْهُ بِتَسْمِيَةِ مُحَمَّدٍ. C'est-à-dire, il dit, parce que je m'appelle Muhammad, j'ai, disons, un engagement. Hein? C'est comme si j'avais une protection ce jour-là. Puisque je m'appelle Mohammed, moi aussi, c'est le nom du professeur, celle-là. Et c'est lui la personne qui respecte le plus son engagement, Donc, comme si le fait de porter le même nom que le nom du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ça allait te protéger du châtiment d'Allah. Alors qu'on sait très bien qu'il y a des gens qui peuvent même porter ce nom-là, qui n'ont rien à voir avec la foi et qui rejettent l'islam et qui font des paroles, ils disent des paroles de kufr et ils font du shirk ou bien ils font toutes sortes d'égarements, puis ils portent ce nom-là malheureusement. Hein? Et ça, ça ne peut pas les sauver, le fait de s'appeler comme ça. Hein? Il y a même, j'ai même entendu une histoire une fois, quelqu'un m'a dit qu'en Égypte, si par exemple les chrétiens n'arrivent pas à avoir des enfants, donc ils vont même donner à leur... quand ils savent que leur femme est enceinte, et si la femme elle a perdu le premier, deuxième, troisième, donc là, quand elle va avoir un autre enfant, elle dit, le prochain, on va l'appeler Mohammed, pour qu'il vive. En voulant dire, elle pense que le fait de l'appeler comme ça, yani, par la bénédiction d'Allah, il va, yani, ou bien la bénédiction par rapport à ce nom-là, selon la croyance qu'ils ont, qu'il va être épargné, qu'il ne va pas être mort. C'est bizarre qu'il puisse penser ça parce qu'ils ne croient pas en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant, ils acceptent de lui donner le nom de Mohammed. Donc, ça veut dire que cet enfant-là, il va grandir chrétien, mais sauf qu'il va s'appeler par le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça ne va pas le sauver au jour de la résurrection s'il n'a pas cru en l'islam. Hein? Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah. On continuera la suite de ça au prochain cours, la semaine prochaine, inshallah, pour Iqtida Sirat al-Mustaqim. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.